Activité 25. 1. Quel âge avez-vous? 2. Quelle est la date de votre anniversaire? 3. La date de mon anniversaire est le 13 mai. 4. La date de mon anniversaire, c'est le 13 mai. 5. Est-ce que vous aimez la télévision? 6. Vous aimez la télévision. 7. Combien de frères avez-vous? 8. Vous avez 2 frères. Moi, j'ai 1 frère. 9. Le samedi, vous faites quoi? 10. Le samedi, vous allez au parc. Avec qui? 11. J'aime les chats. Pourquoi? Je ne sais pas.